Apprenez à vivre sans elle. Le plus dur reste à faire. Elle a quitté son enfer et bréché votre paradis par son absence. Mais la vie continue. Tout n'est pas perdu. Un avenir à construire pour sa mémoire. Un avenir à construire pour sa mémoire, pour son sourire. Ouh.